8h02, nous sommes le 19 janvier. Vous écoutez Québec Réveil, la matinale de CKIA, le 88.3 à Québec. Nous étions plusieurs à suivre les publications de la coalition Sortons les radios poubelles sur les médias sociaux. Je dis nous étions, car dernièrement, là, les instigateurs de la page ont dû fermer la page en tant que telle au printemps dernier suite à des pressions de RNC Média, Société de médias canadiens, là, qui est propriétaire de Choix FM, entre autres. YouTube avait aussi fait fermer la chaîne de la coalition. Ce matin, on se pose la question à savoir, coudonc, la liberté d'expression, est-ce que ça fonctionne seulement dans un sens? Alain Saunier est professeur retraité en communication à l'Université de Montréal, ex-directeur général d'information de Radio-Canada. Il est avec nous ce matin pour nous en parler. Alain Saunier, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez fait paraître une lettre dans Le Devoir en compagnie de plusieurs autres signataires issus de divers milieux dans laquelle vous dénoncez la manière d'agir de RNC Média. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Ce qu'on dénonce, c'est la disparition, en fait, de cet outil qui était la page sur laquelle on pouvait écouter, prendre note des différentes interventions qui avaient pu être faites sur cette radio-là et qui comportaient des propos mensongers ou qu'on pourrait qualifier de nocifs. Donc, on s'est regroupé un certain nombre de personnes en disant « ça n'a pas d'allure qu'on mette fin à cette expérience-là qui était utile pour nous ». Alors, c'est la raison pour laquelle on a écrit cette lettre-là. Et donc, les pressions qui ont été exercées par RNC Média, elles ont été faites à l'endroit des administrateurs de la page. Donc, on voulait exercer de la pression pour que Facebook dévoile qui gérait la page Sortons les radios poubelles. Ça aurait pu nuire justement là aux administrateurs des pages. Donc, on a préféré fermer la page avant que ça arrive, avant que leur identité soit dévoilée. Tout à fait, oui, parce que il faut savoir une chose, c'est que c'est de l'intimidation. Vouloir connaître le nom des administrateurs ou des administratrices de cette coalition-là, d'une certaine façon, c'est comme les mettre comme cible, les placer comme cible pour que après ça, on puisse dire « Ah, ce sont eux, ce sont elles qui ont fait ce travail-là ». Donc, on a peut-être des raisons de vouloir les intimider, de vouloir se venger de quelques-unes des interventions qui ont pu être faites à partir des extraits suggérés ou proposés par la coalition. C'est ça, ces craintes-là sont pas non fondées, parce que c'est déjà arrivé dans le passé que quelqu'un ait été nommé, quelqu'un qui dénonçait les propos, mais qui considérait que les publicitaires devraient peut-être mettre fin à leur campagne publicitaire sur ce réseau-là. Et donc, cette personne-là a été nommée en onde et a subi de l'intimidation, a perdu son emploi, puis je pense qu'il y a une boule de billard là, qui est passée par sa fenêtre. Ouais. En tout cas, bref, c'est quand même assez dangereux. Donc, on peut comprendre que les administrateurs de Sortons les radios poubelles avaient des craintes, là. Oui, mais entendons-nous aussi, on n'est pas en train de dire que ce sont les animateurs de ces radios-là qui ont lancé les boules de billard. Non, mais... Ce qui est clair, c'est que quand on procède de cette façon-là, quand on monte, si on veut, la tension, on exacerbe cette tension entre les auditeurs et puis les gens de la coalition, ça peut créer ce genre, de glissement malheureux, où des gens vont tout à coup se prendre un peu comme pour des justiciers et puis sans réfléchir, vont agir de façon, complètement irresponsable. Et c'est ça le danger de laisser RNC aller de l'avant en ayant la possibilité de nommer les administrateurs de la coalition. Alors, il n'y en était pas question, puis nous, on a soutenu cette démarche-là, même si c'est malheureux parce que ça nous enlève un véritable outil de travail pour tout le monde. Ben, tout à fait, parce qu'il y a des médias aussi qui s'informaient grâce à cette page-là quand même. Pourquoi est-ce que vous considérez que le travail justement de la coalition Sortons les radios poubelles était important? Ben, d'abord, il faut savoir que c'est un travail de moine que d'écouter de façon très attentive et constante les propos qui sont tenus sur ces ondes de soi. Eux le faisaient, et c'est bien tant mieux, puis ça nous a donné comme à nous un instrument de travail. Moi, j'enseigne le journalisme, Et puis, bon, je m'informe beaucoup à travers tout ce qui peut être fait dans le domaine de l'information, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'était un outil de travail parce que ça nous permettait d'illustrer un peu ce qui se faisait sur les ondes de cette radio-là. Alors, ça, c'est malheureux parce que ça disparaît et ça enlève aussi un outil de critique aussi bien pour le public que pour les gens de la radio en question. Parce que peut-être qu'avec cette critique-là qui est formulée par la coalition et par les gens qui s'emparent des extraits qui sont proposés par la coalition, ça obligerait peut-être les dirigeants et les animateurs de cette radio-là de dire « Ouf, ça, il faudrait peut-être faire attention parce que là, on n'est pas loin de la diffamation ou ça, on n'est pas loin de ci, de ça. » Alors, c'est même un outil de travail pour eux s'ils sont suffisamment intelligents, je dirais, pour comprendre ouais. l'importance que ça peut revêtir, ça. Là, c'est assez spécial parce que la loi autorise quand même la reprise d'extraits, bon, entre autres radio, là, pour justement pour faire une critique ou pour transformation. Donc, tout ça était légal. Oui, c'est tout à fait légal. Prenons le simple fait que vous repreniez, par exemple, un extrait d'une chanson sur vos propres ondes à vous. Ben oui. Vous savez qu'il existe un nombre de secondes limite pour ça parce que les droits d'auteur sont protégés. Ce qui est défendu par la loi sur les droits d'auteur, c'est de reprendre complètement une émission, de la reproduire sur une autre onde hertzienne ou une autre plateforme et là, s'en approprier comme si c'était notre propre création. Et ça, c'est contraire à la loi sur les droits d'auteur. Ce n'est pas ce qui est fait par la coalition. La coalition va chercher des extraits qui sont jugés nocifs, qui comportent des propos mensongers, et les propose sur leur page. Et ça faisait en sorte que nous, on pouvait aller voir, aller écouter et prendre note un peu de ce qui se faisait sur cette radio-là. Tout à fait. Sans l'écouter là, au jour le jour, là, parce que ça peut... Oui, tout à fait, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, tout à fait. Dans un paysage médiatique comme Québec à l'insaunie, là, où ce genre de radio-là exerce son influence depuis des années et remporte quand même une certaine popularité, on doit donc maintenant, depuis la fermeture de la page, là, faire face à un discours qui est monolithique. On ne pourrait plus critiquer. C'est quoi les impacts sur la santé de l'information? Là, en introduction, je parlais de liberté d'expression qui est bonne juste d'un côté, donc du côté de RNC, mais pas de l'autre bord. Oui, mais là, ce qui va se produire, c'est que, bon, aussi bien vous que d'autres médias ou d'autres professeurs de journalistes ou de communication vont quand même trouver les moyens d'aller chercher de nouveaux extraits. Il sera possible aussi avec la coalition d'avoir des extraits, mais qui soient non pas sonores, mais qui soient le texte. Alors ça, c'est déjà ça. Cependant, ce que ça devrait nous obliger à faire, c'est de comprendre que les auditeurs et les auditrices de cette radio-là sont dans une bulle. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il n'y a rien qui peut les faire changer d'idée. Ils sont vraiment enfermés dans un discours qui est monolithique. Et puis donc, c'est difficile pour nous de faire entrer, si on veut, une partie de vérité pour essayer de contrer les propos mensongers, que ce soit sur le port du masque, les vaccins ou tout ce que vous voudrez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut juste pas lâcher. Faut juste pas lâcher parce que, oui, on a l'impression que c'est énorme. La part d'auditoire que cette radio-là va chercher, ce qui est vrai. Ouais. En même temps, il faut regarder aussi que tout autour, il y a des gens qui sont différents. Il y a des gens qui écoutent les choses différemment et puis il y a des gens qui ont l'esprit critique. Alors, il faut continuer, il ne faut pas se lasser de continuer à faire ça. Moi, je pense qu'il y avait aussi des gestes qui avaient été posés par le maire Labombe était de lancer un appel au boycottage aussi de la part des entreprises qui pouvaient faire de la commandite, des commanditaires à la publicité sur ces ondes-là. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça serait une façon aussi pour les entreprises d'agir de façon responsable et de se mettre du côté de la vérité plutôt que des faussetés et des propos mensongers. Ouais. Ça fait partie, je dirais, d'une bonne attitude citoyenne de la part des entreprises de faire ça. Ouais, Monsieur Labombe qui avait annoncé retirer les investissements publicitaires de la ville de Québec. Monsieur Marchand a annoncé par contre que il réinvestirait dans ses radios, notamment pour ne pas la nommer Choix FM, parce que selon lui, c'était agir de façon despote, que de pas censurer, mais de retirer ses investissements publicitaires en choisissant des stations de radio en particulier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je trouve que c'est malheureux. Honnêtement, je trouve que le maire, le nouveau maire, aurait dû pencher du côté de la vérité, comme je le disais tantôt. Souscrire avec des placements publicitaires à des gens qui ne font que des propos mensongers, qui tiennent des propos nocifs, je trouve que ça ne fait pas avancer la démocratie, ça ne fait pas avancer le débat public. Les gens qui se font insulter sur les ondes, c'est malheureux et ça ne devrait pas se faire. Donc, on devrait agir aussi de façon, je dirais, plus citoyenne à cet égard-là, et moi, je trouve ça malheureux. Maintenant, peut-être qu'il va revoir un peu cette stratégie-là le jour où il va lui-même être la cible jour après jour de cette radio-là. On va lui laisser ses 100 jours de premier de son pouvoir. On verra comment il va s'ajuster en cours de route, là. Bon, donc on va suivre le dossier avec intérêt. Là, pour le moment, donc la page Facebook est fermée. Il n'y a plus aucun moyen de suivre les publications de la coalition, là. C'est-à-dire que la page Facebook, YouTube aussi avait déjà fermé le compte de la coalition, comme vous l'avez mentionné en introduction. Il y a encore moyen d'aller chercher des extraits transcrits par la coalition. Ils font une page aussi, pas une page, mais ils envoient des lettres aussi aux gens qui sont intéressés en les mettant, en leur soulignant et leur proposant des extraits. Okay. Évidemment, ça n'a pas le même impact parce que d'abord, vous savez, faites de la radio. Quand on fait de la radio, ce qui est important, c'est pas juste le texte, c'est la façon qu'on le livre. Mm. Et ça fait partie du message. Ben, tout à fait. Alain Saunier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous de ça ce matin. On peut retrouver la lettre dans le Devoir en intégralité. On peut connaître aussi les gens qui l'ont signé. On rappelle que vous êtes professeur retraité en communication à l'Université de Montréal et ex-directeur général d'information de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée. À vous également. Au revoir. Bye bye. Petite pause et on vous revient avec Christopher Curtis, journaliste indépendant.